Hi, I'm Julie Benz. This is Stephanie Romanoff. This is Bianca Lawson. And I'm here with Big M Productions for Why Buffy is Awesome. Because it is. It's awesome. Hey! Comment ça va, Riley? Salut, Sartman. Eh ben, content, là, nouvelle convention. C'est cool. Mais oui, la Whisper from the Hellmouth 3. Ça va être fou. Bosser ton anglais encore cette année. J'ai hâte aux interviews. Tu es à fond, mais tu on va revoir Charisma Carpenter, Amber Benson. Il y a Marc Lucas aussi. C'est mon acteur préféré. Oh, j'ai tellement hâte. Bon, on est devant l'hôtel. On a lancé l'enregistrement. Tout va bien. Il est 8h du matin. C'est bizarre, il n'y a personne. Il n'y a pas trop de monde. Pour d'habitude, il y a plein de monde à la convention. Bah attends, entrons à l'intérieur, voir ce que, s'il y a plus de monde. Eh ben non, il y a toujours personne, Sartman. Je comprends pas. C'est désert. Attends, j'envoie un message à Big M. Notre responsable convention, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok. Il me fait peur, t'es devenu tout blanc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, apparemment, c'était il y a un mois la convention. Pardon, quoi? Tu sais, avec le changement d'horaire, l'heure d'hiver, tout ça, je me suis un peu perdu. Ah oui, un mois de changement d'heure, ouais, d'accord. Il me dit qu'on a loupé la convention. On ne peut pas louper une convention, c'est pas possible. J'ai besoin d'une bière, Riley. J'ai besoin d'une bière. Ouais, donc t'as raison. On va se poser, prenons une petite bière et on va voir. Je pense qu'il y a une erreur. Ah, alors, Stockman, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai eu Mallory et Big M au téléphone. Ça va pas du tout. On a donc vraiment loupé la convention. C'était il y a un mois. Ça, mais non. Je suis dégoûté. Non, mais c'est pas possible qu'on se soit trompé. C'est pas possible. On est nuls. Mais... il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans tout ce malheur. Ouais. Ils ont enregistré des sons. Ah, quand même. On va pouvoir revivre dans les conditions du direct comme si on y était, la convention. Bah vas-y alors, on voit, fais péter. Et j'envoie le premier son. L'ambiance est comme d'habitude survoltée pour accueillir les guests. Il y a Charisma Carpenter, donc, qui joue Cordelia, Amber Benson, qui joue Tara, Bianca Lawson, l'inoubliable Kendra. Il y avait aussi Stephanie Romanoff, Julie Benz et J. August Richards de la série Angel, Marc Lucas évidemment, l'inoubliable Riley, Lindsay Course, la terrible Professeur Walsh, Sarah Hagan qui jouait la potentielle Amanda en saison 7, et Ken Lerner, le proviseur flutti de la saison 1. La première question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils diraient à leur personnage? Julie Benz répond: don't bite me. S'ils pouvaient dire quelque chose à leur personnage, ce serait quoi? Dire ne me mords pas. Lindsay Course: lighten up. Détends-toi un peu. Stay away from windows. Amber Benson préconiserait à Tara de s'éloigner des fenêtres. Quant à Marc Lucas, je dirais que si tu montes dans un hélicoptère, contente-toi de te retourner. Regarde juste une fois en arrière. S'il pouvait choisir un autre personnage que le leur, ce serait qui et pourquoi? Maybe over there, because we don't listen to that much. Buffy. Marc répond qu'il voudrait être Buffy. You know, you say, red leather pants, right? C'est juste pour mettre des pantalons moulants, en fait. Là, c'est Charisma Carpenter qui parle et elle dit qu'elle voudrait être Spike. Pour elle, ce serait Spike. Elle dit qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont l'esprit, la répartie, ils sont piquants et puis ils combattent aussi les forces du mal. Donc, ce serait Spike. Il n'y a pas de différence en fait à part les cheveux. Hein, parce que les cheveux décolorés, mais c'est pas pareil. Vous êtes dans le club de Lorne de la série Angel et vous devez chanter une chanson. Laquelle choisissez-vous? Et c'est J. August Richards, l'interprète de Gunn, qui s'y colle. You know, the song Gangster's Paradise play. Et il réussit à mettre une sacrée ambiance dans toute la salle. Ouais. job. Super. Good job, DJ. Bravo, le DJ. A great question. On a eu droit à une petite danse de Stéphanie, de Auguste et de tout le public. C'était incroyable. Paradise, can you airdrop it to me? Si vous avez la vidéo quand il danse sur scène, est-ce que vous pourriez lui envoyer? How? Airdrop? Yes. Or if you have footage of me coming on stage in the beginning, can you airdrop to me now? My phone now. Don't send me a bunch of crazy stuff now. Voilà, vous lui envoyez pas n'importe quoi. Okay. Vous envoyez soit la vidéo quand il rentre sur scène au début de l'opéra. I'm gonna tell you which phone I am. Okay? Bah ok, bah c'est génial tout ça, mais nous on fait un podcast sur Buffy, pas sur Angel. Il n'y a pas des infos exclusives sur notre série préférée? Alors, priorité au direct, si, si, il y a une info exclusive, c'est Lindsay Cruz, tu sais, l'interprète du professeur Walsh. Ah oui. Elle a expliqué pourquoi elle a quitté la série avant la fin de la saison 4. Ah oui, sérieux? Bah, incroyable. Il y a des rumeurs selon lesquelles votre personnage était censé être le méchant principal de la saison 4, mais que vous vouliez quitter la série à un moment donné. Peut-être que non, mais ils ont alors changé l'histoire pour faire d'Adam le méchant. Je ne m'en souviens pas totalement, mais à cette période, je travaillais beaucoup et il se peut qu'on m'ait proposé de tourner un film et que j'ai décidé de le faire. Oui. Et ma mémoire est un peu... Je suis très très vieille. Saviez-vous si votre personnage devait être plus important ? Non, je ne savais pas grand-chose. Je ne savais jamais si je reviendrais la semaine suivante. Je pense que Marty Noxon a confirmé que vous deviez être le grand méchant, mais il ne voyait pas plus loin. C'est un peu une question technique. Mais avec la façon dont ça fonctionne avec les acteurs, vous le savez probablement, à moins d'être un acteur régulier, cela dépend de la disponibilité de l'acteur. Ils peuvent écrire autant qu'ils veulent, mais ils ne peuvent vous engager que pour un épisode à la fois, en quelque sorte. Et donc, encore une fois, disons-le, c'est une actrice incroyable. Elle a eu une carrière phénoménale. C'était génial pour moi de venir et d'apprendre d'elle, parce que j'étais tout nouveau. Mais elle a tellement d'autres opportunités que cela ne m'étonnerait pas que cette histoire soit vraie. Qu'il voulait que ce soit plus important, mais qu'il n'était pas prêt à payer pour la retirer du marché. Ainsi, avec autant d'opportunités, ils ont peut-être dû changer de direction parce qu'elle avait d'autres engagements. J'ai dû lui donner beaucoup d'argent pour qu'il dise ça. En plus d'assister au panel, au shooting photo et aux autographes, Mallory et Bigam ont fait plein d'autres choses. Ils ont même animé une activité doublage. Ah mais oui, excellent, excellent. Et apparemment, ils ont fait quelque chose d'autre, mais là, ça va pas te plaire, Riley. Quoi? Ils ont interviewé des guests. Oh là là. Mais qui? Une guest que t'avais très envie de rencontrer, je crois. Me dis pas que c'est Julie? Julie Benz? Si, je crois qu'ils ont interviewé Julie Benz. La chance. Bah vas-y, non, mais fais petite interview, je veux savoir ce qu'elle a dit. Bonjour Julie, bienvenue dans Pourquoi Buffy, c'est génial. Bonjour. Very good. ça va? Ça va, et toi? Ah, ça va bien. Tu passes un bon moment? Je m'appelle Julie. Dans notre podcast, nous faisons des commentaires audio d'épisodes de Buffy, nous regardons les scènes et réagissons en direct. Ok. Nous avons justement choisi l'une de tes scènes de Buffy, sans doute la plus emblématique. Serais-tu partante pour la regarder et la commenter avec nous? Bien sûr. De quelle scène s'agit-il? Oh, tu verras. Quelle est la scène emblématique de Darla? Tu verras. Tu reconnais? Pas encore, je veux dire, c'était... Oh, c'était la première scène. La toute première scène. J'étais tellement innocente et douce, une écolière catholique. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien. Donc quand Buffy a commencé, ceci était la première... La toute première, oui. Et vous pensez tous que c'est lui qui va être le vampire. Parce que ça peut pas être la jolie blonde avec la voix idiote. Et la frange ratée, je veux dire, c'est quoi cette coiffure? N'en parlons même pas. Oh, moi je trouve que ça te va bien. C'était pas ma meilleure coiffure. C'était ton choix? Bah, c'était la coupe que j'avais à l'époque, oui. Ce n'était pas la plus élégante. En fait, cette coupe de cheveux revient à la mode maintenant, alors j'étais peut-être en avance sur mon temps. Hello. Ah, il était tellement bon. Il l'a joué exactement comme il fallait. Ça fonctionne parce qu'il est lui-même crédible en tant que méchant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Ça vient. Oh, quelle surprise. Au fait, c'est à ça que je ressemble le matin avant d'avoir pris mon café. Je ne te crois pas. Oh, c'est vrai, croyez-moi. Croyez-moi, l'hôtel où je séjourne ici l'a constaté ce matin. Darla est l'un des rares personnages à apparaître à la fois dans Buffy contre les vampires et Angel. Avec le recul, que représente Darla pour toi en tant qu'actrice ? Alors, quand j'ai été choisie pour Buffy pour la première fois, je sortais tout juste de l'université. Pour moi, j'ai l'impression que mon passage dans Buffy et Angel était comme fréquenter la plus incroyable des écoles d'art dramatique. Mieux que d'aller à l'école de théâtre de Yale ou au programme de NYU. J'ai tellement appris sur le métier d'acteur sur le plateau, la créativité. J'ai été mise au défi à chaque épisode, particulièrement dans Angel. Vous savez, j'ai été enterrée vivante, j'ai dû monter à cheval à travers les flammes, j'ai dû chanter. J'ai dû faire tellement de choses qui m'ont mise au défi, pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Pour moi, c'était une expérience incroyable et un terrain d'entraînement extraordinaire où j'ai appris le métier. Bien plus qu'à l'université. Darla évolue considérablement au fil des séries, passant d'une vampire impitoyable... Est-ce qu'elle est vraiment impitoyable ? Au début. Ou est-ce qu'elle aime simplement profondément Angel ? Ça, c'est une bonne question. À un personnage profondément tragique et émouvant. Avais-tu prévu cette évolution ? Ou t'a-t-elle surpris autant qu'elle a surpris le public ? Je pense que ça a surpris tout le monde. Vous savez, quand on a fait la première saison de Buffy, on n'était même pas encore à l'antenne. J'avais été engagée à l'origine pour jouer la fille vampire numéro 1. Darla n'avait même pas de nom. Elle était juste fille vampire numéro 1. Puis, grâce au travail que je faisais, Joss a décidé de donner un nom à la fille vampire numéro 1, et ce nom était Darla. Et lui donner une histoire d'origine pour aider à mettre en place la romance entre Angel et Buffy. C'était avant même que nous passions à l'antenne. Alors, quand ils ont tué mon personnage dans Buffy, ils n'avaient pas réalisé, avant la diffusion, quelle serait la réaction du public. Ils m'ont fait revenir pour quelques flashbacks, bien sûr, mais quand ils ont lancé la série dérivée Angel, ils ont réalisé que c'était une excellente occasion d'explorer la relation entre Darla et Angel et leur passé. J'ai été surprise parce que, pour moi, j'avais fait pouf, vous voyez. J'ai été piotée et j'ai fait pouf. Une fois qu'on fait pouf, c'est fini. J'appelle ça faire pouf, ce qui veut dire que j'ai été réduite en poussière. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas me faire revenir, j'ai fait pouf. Et ils m'ont répondu, on peut faire ce qu'on veut et on te fait revenir même si tu as fait pouf. Et par la suite, j'ai fait pouf plusieurs fois. Darla est toujours très appréciée par les fans, plus de 20 ans après. Ça fait presque 30 ans. Ce qui est bizarre parce que je n'en ai que 25. Enfin, je plaisante. Je pensais que tu avais 26 ans. D'accord, si vous voulez que je sois honnête, j'en ai 27. Alors, que te disent-ils le plus souvent à ton sujet lors de conventions comme celle-ci ? Je pense que les gens ont peur que je les morde et je dois leur rappeler que je ne mords pas dans la vraie vie. Je n'ai tout simplement pas les dents pour ça. Je veux dire, Darla avait de vraiment grandes incisives, vous savez. Elle avait de grandes dents. Mes dents ne sont pas si grandes. Y a-t-il une scène particulière avec Darla dans Buffy ou Angel qui te semble encore aujourd'hui particulièrement significative ou difficile à jouer ? Je pense que ma scène préférée était dans Angel. C'était un épisode intitulé Dear Boy. C'est le moment où je prends le crucifix et que je le brûle sur la poitrine d'Angel en disant « Dieu ne veut pas de toi, mais moi si ». Pour moi, c'était vraiment le pivot de leur relation. Vous savez, je l'ai toujours perçu comme l'ex-femme délaissée qui se dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». C'est un peu ce que nous avons capturé dans ce moment. Si littéralement même Dieu ne veut pas de toi, eh bien moi je te veux toujours, mais personne d'autre ne t'aura. Cette journée sur le plateau était tellement magique. Nous tournions dans un réservoir d'eau souterrain et David et moi avions toujours eu cette sorte de super alchimie ensemble. Ce jour-là, il y avait juste... Moi, je déteste utiliser ce mot parce que je pense qu'il est galvaudé, mais il y avait une synergie incroyable entre nous deux. On pouvait le ressentir sur le plateau et on ressentait vraiment ce qui se passait. On ne faisait pas semblant. À ce stade, nous avions joué ces personnages depuis assez longtemps pour avoir les souvenirs des personnages dans nos corps et nous avons créé quelque chose de spécial. Pour moi, ça a toujours été l'une de mes scènes préférées et l'un de mes moments préférés. Un de mes moments préférés est quand Darla se sacrifie pour que Connor puisse vivre. Ah, c'était beau, oui. Quand ils m'ont envoyé ce scénario, je savais que quelque chose allait se passer, sans savoir quoi précisément. J'ai eu la sensation que c'était un cadeau incroyable parce que Darla a enfin pu obtenir sa rédemption. Pour être honnête, les femmes détestaient Darla jusqu'à ce moment-là. Je lisais les forums de discussion à l'époque et tout le monde disait « Je déteste Darla, c'est tellement une connasse ». Désolée, est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots ? Cela me faisait mal car je trouvais qu'elle était simplement mal comprise. Elle l'aime tellement et veut seulement qu'Angelus revienne. Elle est peut-être un peu obsessionnelle, un petit peu folle aussi, mais je ne comprenais pas pourquoi on la haïssait autant alors qu'elle aime vraiment Angel et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je pense que ce moment a constitué sa rédemption, ce qui a soudainement permis au public de tomber amoureux d'elle. Bon Riley, pas trop triste alors d'avoir loupé cette interview ? Bah si, un peu, mais j'espère qu'elle reviendra quoi, l'année prochaine, c'est pas possible quoi. Elle avait l'air de passer un super moment, nous ont dit Big Game et Mallory. Tous, hein, là, on a l'impression qu'ils passent tous un super moment. Lors de ce week-end, qu'on a loupé, je te rappelle, il y avait une actrice qu'on avait déjà rencontrée, Amber Benson. Ah oui, génial, Tara. Exactement. Et tu sais qu'elle n'est pas que comédienne, d'ailleurs, elle nous en avait un petit peu parlé pendant l'interview. Oui, on l'a déjà interviewée, en fait. Je rappelle ce qu'elle fait, en plus de jouer à la comédie. Elle écrit des fanfictions. Oui, elle écrit plein de choses. Des livres, des comics, plein de trucs. Et elle écrit tellement de choses que parfois elle en oublie certaines même. Oui, d'accord. Par exemple là, elle parle d'un essai sur les fanfictions, en oubliant qu'elle-même a écrit une sorte de fanfiction audio qui s'appelle Slayers. Oui, la série audio, bien sûr. Elle a oublié, d'accord. Amber est adorable, mais oui, parfois elle a un petit peu de tête en l'air. Et donc, il y a des extraits de ce passage ? Tout a été enregistré par Big Game et Mallory, évidemment. Ah, trop bien. J'ai écrit un essai sur la fanfiction et sur cette sorte de sentiment de propriété que les fans ont envers les séries et les personnages qu'ils aiment. L'idée est que lorsqu'une série est terminée, on veut continuer l'univers et continuer à vivre avec ces personnages que l'on aime tant. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens écrivent de la fanfiction. On veut poursuivre les relations que l'on a déjà commencées. Personnellement, j'ai jamais écrit de fanfiction. Bah si, Slayers. C'est vrai, oui, non mais oui, je suppose que d'une certaine manière, c'est de la fanfiction. Merci, Charisma. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais tu as tout à fait raison. Chris Golden et moi avons fait une série Audible. C'est la continuation d'un monde que j'adore parce que j'aime tous les gens qui s'y trouvent. Ils sont ma famille. Nous avons passé des moments très intenses, nous avons traversé l'épreuve du feu ensemble et nous voilà, 25 ans plus tard, assis ici. C'est une chose incroyable, cette longévité. Mais oui, j'ai écrit de la fanfiction. Et il y avait aussi des comédiens qu'on n'avait jamais croisés à la convention, il me semble, non ? Ah ouais, comme qui ? Et bah, il y avait Ken Lerner qui joue le principal flûtie dans la première saison. J'adore le principal flûtie ! Et oui, qui le fait manger par les hyènes, souviens-toi. Oui, c'est déchirant. Big Game me disait que Ken avait parlé de manière très touchante de sa passion pour le métier de comédien. Je suis passionné par le métier d'acteur. J'enseigne la comédie et c'est tout simplement merveilleux de partager l'expérience humaine, de donner vie au texte et de jouer ses rôles de médecin, d'avocat ou de proviseur. Le simple fait d'arriver sur un plateau, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aimer notre communauté et de ressentir ce sentiment que tout le monde cherche ensemble à atteindre le même objectif. Donner corps à ce que les auteurs ont écrit et à ce que le réalisateur attend. Nous sommes tous là dans un but précis, élever l'esprit humain. La plupart du temps, le seul moment où nous pouvons le faire, c'est sur un plateau. Nous passons beaucoup d'auditions, nous décrochons des rôles ou non. Donc pour moi, le plus difficile, c'est de ne pas travailler. Quand je travaille, quand je passe des auditions, que je suis sur le terrain, je suis dans mon élément. J'adore ça. Et j'essaye d'inspirer les plus jeunes acteurs pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'être célèbre. Il s'agit du travail, du plaisir qu'on y prend, de la passion qu'on y met. Si vous n'êtes pas passionné, faites autre chose. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des plombiers, donc les choses ne s'emboîtent pas toujours parfaitement. Mais quand on y arrive et qu'on se sent bien, c'est tellement gratifiant, c'est incroyable. Et nous aimons vraiment, vraiment le fait que vous, les fans, appréciez cela et que vous soyez là, après tout ce temps, à aimer ce que nous faisons. Alors, merci. Ah mais il est trop mignon ce Ken, il a l'air trop sympa. C'est pas fini, J. August va en rajouter une couche sur la beauté du métier de comédien. Jay-Z dit « Le but de votre talent n'est pas la gloire et la fortune. Le but de votre talent est de voir le monde. » Et qui aurait cru qu'il y a 27 ans, cela m'amènerait à Paris, en France. C'est bien la France, n'est-ce pas? Rencontrer toutes ces nouvelles personnes, mais aussi de retrouver des gens que j'avais rencontrés l'année dernière. Je suis en train de nouer des liens avec des gens que... Je suis désolé, vous n'avez pas besoin de traduire ça. Mais nouer des nouvelles relations et cultiver les anciennes. Qui d'autre a la chance d'aller dans un autre pays et de rencontrer des centaines de personnes de cet endroit? C'est un cadeau. Pour les fans aussi, hein, il a raison, Diogi, c'est un vrai cadeau de pouvoir rencontrer ces comédiens et comédiennes de notre série préférée en convention. Oui, généralement, on passe un week-end inoubliable. Oui. Et justement, il y a une nouvelle venue cette année, une comédienne qu'on voyait très peu en convention, qui n'en a d'ailleurs fait qu'une ou deux, je crois, avant celle-là. Okay. Est-ce que tu arrives à deviner qui c'est? Est-ce que ce serait une tueuse de vampires, par exemple? C'est tout à fait une tueuse de vampires. Donc c'est Bianca Lawson, évidemment. C'est complètement Bianca Lawson. T'es super fort en tueuse de vampires. Me dis pas que Big Game et Mallory ont fait une interview de Bianca Lawson, sinon je deviens fou. Bon, je vais pas te répondre, mais j'envoie un son. D'accord. Vous vous souvenez de Kendra? La tueuse sérieuse, mais terriblement efficace? La tueuse au destin tragique et au courage sans faille? Il s'agit de Bianca Lawson! Salut Bianca, bienvenue dans Pourquoi Buffy, c'est génial. Merci, merci de me recevoir. Bianca, dans Buffy, tu incarnais Kendra, la tueuse de vampires. Kendra a été la première tueuse autre que Buffy que le public ait jamais rencontrée. Quand tu as rejoint la série, avais-tu conscience de l'importance que ce moment allait revêtir pour la série ? Je savais que c'était très important de faire intervenir une nouvelle tueuse. Dans ce sens, je savais que ça allait être quelque chose de grand. Mais ce que c'est devenu, et le nombre de personnes qui me disent encore aujourd'hui, même récemment, ce que Kendra représentait pour elle, je pense qu'on ne peut jamais vraiment savoir. Mais je savais que ce serait important pour la série. Et elle a laissé un véritable héritage derrière elle. Kendra est très différente de Buffy. Disciplinée, sérieuse et entraînée depuis son enfance. Comment as-tu abordé la création de ce contraste ? C'est intéressant parce que je n'avais pas envisagé le personnage en termes de contraste avec Buffy. J'ai simplement lu le scénario et le rôle de Kendra m'est venu tout naturellement. Je me suis demandé ce qui était authentique chez elle. Il m'a semblé qu'elle avait été entraînée depuis son plus jeune âge, presque comme une samouraï. Elle n'a pas eu la même sociabilisation que Buffy, donc tout tournait autour de la mission, de la tâche à accomplir, du destin. Il n'y avait pas la place pour la vulnérabilité ou la nuance. J'ai ressenti son sérieux dès la lecture. Ça m'est apparu dans le rythme de l'écriture, dans ses mots et dans sa façon de se battre. Je me souviens d'une scène où Sarah m'a dit « Est-ce que tu fais de la boxe? Tu bouges comme une boxeuse. » C'était un grand compliment car je pratiquais le kickboxing et je voulais apporter cette sorte de gravité dans le corps. J'ai senti que mes efforts portaient leurs fruits. C'est quelque chose que nous ne savions pas. Donc en fait, si je comprends bien, on ne t'avait pas expliqué que tu étais en quelque sorte l'opposé de Buffy. Ouais. Je veux dire, personne ne me l'a vraiment dit. C'était juste qu'en lisant, vous savez, j'ai lu le scénario et les extraits pour l'audition et c'est ce qui m'est venu. C'est comme ça que je l'imaginais, c'est comme ça qu'elle sonnait pour moi, comme ça qu'elle bougeait. Et même pour l'audition, la coiffure qu'elle a dans la série, c'est comme ça que je portais mes cheveux le jour de l'audition. Les chaussures qu'elle porte, ce sont celles que je portais ce jour-là. C'était vraiment ce que j'avais apporté à l'audition, et ils m'ont en quelque sorte laissé tout garder. Je suis juste allée à l'audition, j'ai lu mon texte, et puis Joss était là. Et il m'a directement accompagnée au département des costumes pour faire les essayages. La mort de Kendra a marqué un tournant majeur dans la série. Qu'as-tu ressenti personnellement en tournant un moment aussi important et émouvant ? Je m'en souviens plus exactement maintenant, mais je pense qu'on est toujours un peu déçu quand on se dit que ça pourrait devenir quelque chose d'important. Puis, pour un personnage aussi compétent, mourir d'une manière aussi expéditive, c'est toujours un peu triste, je dirais. Cela fait aussi partie du métier. On ne sait jamais vraiment ce qui va arriver à un personnage. Ça peut changer du tout au tout en un instant et on ne sait jamais combien de temps on va passer avec lui. C'était donc un peu doux amer. La série a souvent été critiquée, à juste titre, pour son manque de diversité ethnique. Ton personnage apportait une certaine représentation et bim, il meurt après seulement 3 épisodes. Ce manque de représentation était-il courant à l'époque ou la série aurait-elle vraiment pu faire mieux? J'ai l'impression que souvent, quand j'étais plus jeune, j'étais probablement la seule personne de couleur ou la seule personne noire sur le plateau. Je pense que c'était très courant pour l'époque. Ils auraient pu faire un meilleur travail sur ce point. Mais je dirais aussi que dans le lycée où j'ai été, j'en ai fait 2, mais dans l'un d'eux, j'étais probablement la seule ou peut-être avec un autre enfant. Donc ce sont des choses qui arrivent, ça m'est arrivé de me retrouver dans des espaces où j'étais la seule ou bien où il n'y avait qu'une seule autre personne. C'est pour ça que Kendra était si importante. Des femmes me disent encore à quel point c'était un événement pour elles de voir quelqu'un qui leur ressemblait être une telle dure à cuire. C'était tellement significatif. Quand je le faisais, j'étais assez jeune. On se contente de le faire, on est juste enthousiaste. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc il fallait croiser quelqu'un dans la rue pour le savoir. On ne connaissait pas, avec le même niveau d'immédiateté qu'aujourd'hui, le ressenti des gens. Voilà, super interview de Bianca, là. Bien joué, Big Game et Mallory. Ils ont assuré. Et alors, il paraît qu'ils ont fait aussi une autre interview de quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré. Alors oui, alors ça, ils ont fait du contenu spécifique sur la série Angel. Et c'est une interview de qui? Avant que je m'énerve, non? T'es pas un fan d'Angel, de toute façon, ça t'intéresse pas. Non, mais Stéphanie Romanoff, ça m'intéresse quand même. Parce qu'effectivement, l'interprète de Layla d'Angel, donc Stéphanie Romanoff, a été interviewée par Big Game et Mallory. Et la vidéo sera visible sur la chaîne YouTube de Big Game. Abonnez-vous alors à la chaîne YouTube de Big Game. En plus, il y a toutes les interviews des années précédentes, donc si vous les avez jamais vues, ça vaut le coup. Mais nous, on retourne une dernière fois dans la salle des panels, où il est demandé à Julie Benz quel autre personnage des séries Buffy ou Angel elle aurait aimé interpréter. Et sa réponse va vous étonner, comme on dit. J'avais l'habitude de faire une blague et maintenant c'est une très mauvaise blague. Je plaisantais en disant que si je pouvais jouer n'importe quel autre rôle dans Buffy ou Angel, je jouerais Joss Whedon. Maintenant cette blague ne fonctionne plus vraiment, n'est-ce pas? Mais ça aurait été incroyable de créer une série aussi géniale. Et je suis en train de créer une série en ce moment. Je travaille avec des gens vraiment extraordinaires. Je peux pas vraiment vous dire qui, mais c'est un processus tellement formidable. Mais c'est impressionnant de créer tout un nouveau monde, de créer des personnages et d'être en quelque sorte... Bon, là aussi, l'expression tombe très mal, le marionnettiste de ces personnages. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, être productrice exécutive, être créatrice d'une série en tant que femme, être gentille et dirigée avec empathie et bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un sujet délicat et je ne veux vraiment pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais ce qui a été créé est tellement admirable. La façon dont la série résonne encore aujourd'hui me fascine. Et être capable de faire ça me passionne. Mais le faire d'une manière qui ne soit pas toxique. C'est super ce qu'a dit Julie Benz. Ouais, c'est vrai, hein, elle est très intéressante. Moi, je la découvre lors de cette convention, à laquelle je n'ai, je le rappelle, pas participé. Mais par l'intermédiaire des sons que j'entends, je la trouve géniale. C'est vrai, on l'avait déjà rencontrée, mais elle n'avait pas parlé autant, j'ai l'impression. Vive Julie Benz. Trop bien. Hélas, je crois que la convention touche à sa fin. Et c'est évidemment le frérot, hein, le bro, Marc Lucas. Oh oui. Qui va conclure avec tout son talent et sa gentillesse qu'on lui connaît. Marc, Marc, Marc. Pour ajouter une chose, je pense que le mot promoteur a parfois des connotations négatives et désigne parfois une personne en qui on n'a pas confiance. Ici, il est tellement évident que ce groupe de personnes est composé d'êtres humains chaleureux et bienveillants. Cela se voit dans la façon dont ils nous traitent et dont ils vous traitent. C'est ce qui nous donne à tous l'impression qu'il n'y a pas de différence de traitement. Nous sommes tous simplement ici pour partager une histoire et une expérience tous ensemble. Certaines personnes sont dans le business de la quantité et d'autres dans celui de la qualité. Et ici, c'est bien de la qualité dont il s'agit. Voilà, mais c'est un délire dans la salle, tout le monde applaudit. Oui, parce que comme très souvent à la fin d'une convention Geek & Cheese, on nous annonce la suivante. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est quand alors? Et donc, ça sera les 20 et 21 février 2027. Et on l'entend, les fans sont prêts à revenir en 2027. Et donc, il y a déjà des guests qui ont été annoncés? Mais oui! 3 guests déjà, je crois que la billetterie est ouverte, enfin, c'est un truc de fou. Armin Shimerman, l'interprète de Snyder. Bien. Christine Sutherland, qui joue Joyce, évidemment, la maman de Buffy. Maman, la maman. Et ton acteur préféré, Riley, je le sais, Eric Balfour. Mais oui, Jesse, oh, trop bien. Ça va être trop super. Et nous, on y sera l'année prochaine. Ça. On essaye de pas se tromper de date. Je m'engage solennellement à vérifier l'heure et le calendrier correctement cette fois-ci pour ne pas louper la convention. Ça n'arrivera plus. Mais bon, je trouve que avec ce qu'on vient d'écouter là, on a un peu vécu la convention quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Grâce, on le répète, à Mallory et Big M qui ont fait un super travail. Bravo les copains. On leur fait des gros bisous d'ailleurs. Des gros bisous. Très bien, bah on reprend une bière. Allez, je crois qu'on va avoir besoin d'une petite bière. Des bisous. Salut, merci.